My secrétaire is rich. Voici un rendez-vous à 14h chez la notaire à Orsay. Lorsqu'elle aura récupéré le chèque couvrant sa part de la maison de Saint-Rémy, le divorce sera définitivement concrétisé. La jeune femme a subi tant de sueurs froides et de nuits sans sommeil, passée à se demander comment son manipulateur d'ex-mari allait s'y prendre pour ne pas la payer, qu'elle a de la peine à croire qu'il l'y fait, finalement. Chez la femme de loi, Maxime se fait désirer. Pour meubler, la notaire explique à Faustine qu'il lui faudra signer un document stipulant qu'elle renonce au partage de la plus-value de la maison. Avant leur divorce, beaucoup de travaux ont été effectués, et cette plus-value est désormais conséquente. Si Maxime tenait à être présent, c'est qu'il craignait que Faustine fasse des histoires afin de soutirer plus d'argent. Mais cela ne lui vient même pas à l'idée. Après tout, elle n'a pas payé pour ses travaux non plus. Mais elle note au passage que Maxime s'est bien gardé d'être transparent à ce sujet, vis-à-vis de son avocat. On ne se refait pas. Malgré ce détail, la tractation se solde par téléphone, et à l'autre bout du fil, Maxime respire. Faustine comprend à demi-mot que c'est la nouvelle madame qui l'a empêchée de venir à l'étude, tant elle craignait qu'il retombe dans ses filets. Elle rit. C'est flatteur, mais non. Il n'a jamais été dans ses intentions de remettre le couvert, maintenant qu'elle est enfin libre. Quoi qu'il en soit, la jeune femme ressort au bout d'une demi-heure, lestée d'un chèque de 120 000 francs suisses. Autant pour la fuite de capitaux. Des cacahuètes pour certains, une fortune pour elle, de quoi s'amuser un moment et ou investir intelligemment. Que sera, sera. Gardant les pieds sur terre, elle fait le tour des pharmacies pour se constituer son petit stock de somnifères. Les jolies photocopies d'ordonnances artisanales passent sans problème. On lui donne tout ce qu'elle demande. Une seule pharmacienne s'étonne qu'elle soit venue jusqu'à Paris pour acheter un médicament qui existe aussi bien en Suisse. Il lui suffit de prétendre qu'elle a oublié de les prendre et le tour est joué. Avant de rejoindre son lit à l'hôtel d'Halle, Faustine fait un tour à la Huchette. Personne n'y joue qu'elle connaît. Du coup, elle reste en haut. Au moment de repartir, Ignace, l'indétrônable barman de la Huchette, met un genou à terre pour lui demander sa main. Voilà certes une demande à laquelle elle ne s'attendait pas en débarquant gare de Lyon ce matin. Mais non, elle ne veut plus de cette vie-là, même si l'homme est la bonté même, et loin d'être repoussant. À Lausanne, retour au bureau, un peu à reculons. En fin de journée, Faustine déposera le chèque sur son compte, s'occupant au passage de donner des instructions pour rembourser maman. Elle a l'impression d'avoir gagné au loto, sauf qu'elle est en perte de motivation. En effet, pourquoi aller travailler quand on dort sur un tas d'or? Profitant des prémices d'un été indien, Zézé est redescendue sur la Côte d'Azur. Les appartements de sa résidence de luxe s'y vendent tels des petits pains. En partant, il a laissé deux dossiers compliqués. D'abord, ce terrain acheté dans les hauts des Vians pour le compte d'un roi du pétrole. Client exigeant s'il en est. Malheureusement, le maire de la commune où se situe l'objet immobilier se méfie d'une entourloupe. Il veut bien que le terrain communal soit vendu à un ressortissant suisse, mais doit rendre des comptes s'il s'agit d'un client plus exotique. Faustine, tout en lui pondant des réponses rassurantes, se demande combien de propriétés européennes sont ainsi passées en mains étrangères, russes, américaines, africaines ou chinoises. Ensuite, elle doit taper un document censé permettre à un revendeur de baskets de marque d'ouvrir une ligne de crédit dans une grosse banque de la place. Le dossier finalisé est béton. Il ne manque plus que l'accord de la banque pour garantir le succès de ce projet qui tient la route. Or, la demande du pauvre diable est refusée, au motif que le montant du prêt demandé n'est pas suffisamment élevé. Le banquier ne s'y retrouvant pas, il rejette le tout sans état d'âme. Voilà qui montre bien la perversité du système. Au milieu de tout cela, Zézé appelle de Sainte-Maxime. « Bonjour, ça y est, vous avez reçu votre chèque ?»« Oui, » répond Faustine qui se mord les lèvres de s'être confiée. « Vous voulez bien me l'envoyer, que je l'endosse ? J'ai besoin de liquidité ici pour le chantier. Je vous donnerai l'équivalent à Lausanne sitôt que je rentre. Nous y gagnerons au change tous les deux. » C'est-à-dire, je ne pense pas pouvoir le faire. Pourquoi, bon sang? C'est pas difficile pourtant. C'est pas ça, terre-moi la jeune femme, mais je dois, ma mère, vous comprenez? Demandez-le lui, je vous rappelle dans un quart d'heure. Faustine appelle maman et lui raconte l'histoire, lui demande conseil. Évidemment, maman, qui n'a aucune confiance en Zézé, dont elle a compris qu'il peut avoir une morale élastique, lui interdit carrément d'obéir à son patron. « Tu n'auras qu'à lui dire que cet argent ne t'appartient pas et que je t'interdis d'en disposer. »« Dont acte. » Zézé, recevant la réponse, réplique amère. « À votre âge, demandez la permission à maman pour disposer de son argent. Quelle honte !» Faustine raccroche sans répondre. Elle préfère encore subir une légère humiliation plutôt que d'être le dindon de la farce. Elle a assez donné. D'ailleurs, pour l'intérêt que présente le job, et quitte à être seule la plupart du temps, pourquoi ne pas chercher un moyen de se mettre à son compte? Faustine a acheté un bouquin sur la création d'entreprise, avec de multiples modèles, et tout doucement l'idée fait son chemin. Le troisième dimanche de septembre est celui du jeûne fédéral, journée d'action de grâce. Dans le canton de Vaud, le lundi qui suit est jour férié. Bonne occasion pour aller visiter le comptoir suisse qui se tient traditionnellement les deuxième et troisième semaines de septembre. On trouve de tout à ce comptoir, des produits du terroir aux assurances, en passant par l'électroménager, l'électronique, l'artisanat et les machines agricoles. Une halle est transformée en écurie, qui expose vaches, taureaux, chevaux, petits bétail et oiseaux de basse-cour. Outre l'exposition, le comptoir présente des spectacles, des démonstrations, des concours et des dégustations. C'est un rendez-vous incontournable pour les Vaudois et les Suisses en général. Faustine tombe en arrêt devant le stand d'une petite société gérée par de jeunes informaticiens enthousiastes. Elle propose un poste informatique complet pour un prix imbattable. Il faut préciser que le comptoir est la vitrine promotionnelle des entreprises de la place. Convaincue par la harangue du vendeur, Faustine commande un écran, une tour, un clavier, une imprimante laser et plusieurs logiciels. En tout, elle en a pour plus de 25 000 francs. Et la voilà presque entièrement équipée. Elle sera livrée sous quelques jours. Un installateur passera au boulevard de Grancy. Sur un autre stand, elle investit dans une armoire à dossier suspendu, un truc très lourd mais aussi très pratique. Enfin, elle s'offre un fax. Une bonne secrétaire ne peut rien faire sans communication. Tout est prêt désormais pour son entrée dans le monde des affaires. Que c'est long d'attendre ces cadeaux ! Faustine frétille d'impatience. Enfin, elle reçoit un appel. Le matériel et l'installateur viendront samedi matin. Le jour J, elle donne un coup de main pour monter et installer la station. Le spécialiste est un quarantenaire très sympathique. Faustine lui offre un café. Elle apprend qu'il ne travaille dans cette société que depuis un mois. Très heureux qu'on l'ait engagé alors qu'il sortait de prison. Cela prouve l'ouverture d'esprit de ses employeurs. Sitôt sa période d'essai effectuée, il a eu les moyens d'épouser la prostituée qui l'a aidé à sortir la tête de l'eau à sa libération, la seule personne qui ait jamais été gentille avec lui. Faustine apprécie ses confidences à leur juste valeur, même si ça la bouscule un peu. Enfin, l'essentiel est que le travail soit bien fait, ce qui est le cas. Après le départ de M. Muller, Faustine s'installe en heureuse propriétaire, afin d'étudier les modes d'emploi. Il y a un tel choix d'utilisation qu'il lui faut une partie de la nuit pour les survoler. Elle se rend compte par la même occasion qu'elle s'est laissée refiler pas mal de logiciels qui ne lui serviront à rien. Le dimanche suivant, elle se rend à la métairie. Marie lui sert un drôle d'accueil. mi-figue, mi-raisin, aux antipodes de son attitude d'il y a 2 semaines. Quel contraste entre la reconnaissance quasi obséquieuse dont elle avait fait preuve juste avant son entrée et cette nouvelle tournure d'esprit critique et sarcastique. Elle prétend être tombée dans un groupe médiocre. L'alchimie n'a pas fonctionné. Elle s'ennuie et n'avance pas. Faustine lui dit de tenir bon et de patienter. La clinique a une bonne réputation et un taux de réussite de 56% tout de même. En quittant son amie, elle est un peu déçue, désemparée, ne pouvant se départir d'un sentiment d'échec. Peut-être n'aurait-elle pas dû être aussi intrusive dans la vie de Marie. Peut-être a-t-elle pensé à tort qu'elle aurait le pouvoir de l'aider à guérir. Pendant ce temps, maman se prélasse aux Canaries. De son hôtel, elle fait envoyer sur le tout nouveau fax de Faustine un message à l'attention de papa pour son anniversaire. Dans ses lignes, elle se prétend entourée de vieilles peaux habituées à ce genre d'endroit, construites sur le principe des clubs méditerranéens. En clair, elle n'a trouvé personne dont le niveau conversationnel égale le sien. Donc elle s'ennuie. Le samedi suivant, Faustine va la chercher à l'aéroport de Genève Cointrin. Elle semble en pleine forme et avoue, sans trop se forcer, qu'elle a bien apprécié les cocktails servis tous les soirs au bord de la piscine. Mais un seul, tu sais, pas plus. Commence alors une période de sobriété. On redevient sérieux après les vacances, entrecoupée de multiples rechutes. Pour maman, s'entend. Faustine endosse le rôle de codépendante active. Rien n'est simple. Cela implique de surveiller l'autre, capter ses changements d'attitude, décrypter ce qu'il vous dit. Mensonge, pas mensonge. Je sens qu'elle a bu, mais je n'ai pas de preuves. Comment faire pour l'aider? J'ai trouvé une bouteille, je la vide? Oui, mais c'est maman tout de même, c'est l'autorité, mon surmoi, depuis toujours. Comment oser une bienveillance autoritaire vis-à-vis de sa propre mère? Faustine ne comprenant pas le jeu toxique auquel elle participe, la vie au boulevard devient infernale. Heureusement, cela ne dure pas. Avant le retour de Marie, maman retrouve le droit chemin et la paix revient au boulevard. Faustine se sent pousser des ailes. Elle a très envie de conduire à nouveau. Maman n'est pas contre. Pire, elle pousse à la roue. Si elle avait une voiture, sa fille pourrait la trimballer un peu partout, la mener chez le médecin quand elle a la flemme d'y aller à pied et faire des courses à l'extérieur du périmètre lausannois. C'est un peu futile vu que jusqu'à présent, les trains et les taxis leur suffisaient amplement. Mais sans doute que le fait d'avoir les moyens compte pour beaucoup dans la décision. Papa parle à son ancien garagiste. Ce que c'est que le hasard. Il a justement sous le coude une jolie petite voiture d'occasion, pour un prix très raisonnable. Il tient toutefois à vérifier que Faustine sait encore conduire. Cela fait, lors d'une petite balade dans les rues de Lausanne, il transfère les clés et la carte grise. Faustine est aux anges. Dans la journée, elle contracte une assurance et commande ses plaques. Un bureau fonctionnel équipé en informatique, une voiture pour démarcher ses futurs clients, toutes les conditions sont réunies pour le démarrage de sa petite entreprise. Faustine envisage de démissionner le 31 décembre. Afin d'ouvrir son bureau au début de la nouvelle année fiscale. Cela lui laisse un peu plus de 3 mois pour préparer sa publicité et prospecter le marché. Yaka, comme dirait l'autre. Thank you. Thank you.